On va commencer cette rubrique avec forcément, on ne pouvait commencer que par eux, le nouveau défi des fous de nos amis des fous d'anime qui est commencé le 7e du nom. Fous d'anime qui vous propose donc de participer à cette 7e édition, une édition un peu particulière qui a pour thème la tomate. Franck qui est un grand amateur de fous d'anime. Je vous laisse découvrir sur fous d'anime qui il est. C'est pas difficile hein, si vous avez vu son film. Jamais participé au défi des fous, pourquoi? Si, j'en ai fait un, je fais l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'était... C'était un truc qui était très drôle, c'était sur Cluedo, mais qui a tué le docteur Lenoir. Exact. Et c'était vraiment bien, très inspirant. Très étonnant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement. Là, vous avez un extrait de musique. Il y a un style graphique là. Il y a un cahier des charges voilà, où les gens, les animateurs comme ça sont obligés de... Et puis, en 2-3 mois, là, c'est un petit peu plus long, jusqu'en octobre, il faut créer une petite pièce, quelque chose qui se tient. Il faut créer un mini-film d'animation. Et ce qui est formidable, c'est que les participants ont quasiment tous leur propre univers graphique. Leur propre mise en scène, leur propre interprétation. Donc ça donne des petits joyaux. Et je vous invite. Différents et pas pareils. Tout à fait. Et les uns des autres. C'est une sorte de cadavre exquis, c'est-à-dire que les choses sont raboutées ou non, ça se mélange non, à l'écran. Il n'y a pas d'interaction les uns avec les autres, mais il y a un cahier des charges commun. D'accord. Qui passe par une musique ou qui passe par une durée ou je sais que le dernier il y avait beaucoup de choses tout à fait il y avait énormément resserré le cahier des charges et là c'est avec un code couleur commun etc et voilà et d'un thème à l'autre on voit pousser comme ça entre 10 et 20 petits films d'animation de je sais pas, on va dire entre 20 secondes et 40. C'est rarement, c'est très court. Souvent, c'est une minute, deux minutes. La plupart du temps, c'est assez court. Il faut savoir que donc à part des grands noms de l'animation maintenant, comme Franck, il y a Gilles Cuvelier qui est souvent là-bas, il y a Jérémy Clapin qui est souvent et à savoir que Défi des fous, il y a quelqu'un que moi j'aime beaucoup qui est en coup de cœur sur The Web Anime et qui s'appelle Pascal et qui avait beaucoup de Défi des fous et qui a gagné à deux reprises. Donc je me demande celle du Cluedo et qui s'est même trouvé en compétition internet cette année à Annecy. Donc une pépinière de talent, plein de gens et faut le voir. Je vous donne l'adresse, c'est un tout petit peu long, je vous laisse le temps de prendre parce qu'il va y avoir 2-3 adresses dans cette rubrique. C'est alors le fameux HTTP, les deux points, les deux slash, les 3W, ça on ne change pas. Alors après il y a c'est foudanim, foudanim.org. Ça c'est pour le site, c'est un site passionnant de toute façon, vous pouvez y aller. Slash donc forum, vous voulez rajouter. Et une fois que vous êtes sur le forum, vous pouvez vous balader dans tout ça, c'est tellement passionnant. Mais il y a une rubrique qui s'appelle vos productions. La section c'est le défi des fous et c'est le numéro 7. Profitez-en puisque vous êtes sur ce site d'aller voir tout le reste parce qu'il y a des choses. Je suis un très bon esprit. Moi, j'avoue que les forums, c'est vraiment pas trop mon truc, mais là, je suis devenu un participant assidu parce qu'il y a un très bon esprit. Se fréquentent indifféremment des passionnés d'animation, des professionnels de l'animation, des étudiants de l'animation et tout simplement des curieux. Et c'est très bien. Alors, on réinvitera de toute façon Franck, puisqu'on va faire quelque chose sur Internet, et on invitera évidemment les responsables de fous d'anime, qui méritent vraiment de Je suis pas venir. Responsable de fous d'anime. Non. C'est un ambassadeur, si on veut. D'ailleurs, je vais vous dire, entre nous, son surnom, c'est Lamartine, et vous pouvez aller voir un petit peu ses films. Voilà, ça, c'était entre nous. De toute façon, j'ai déjà dénoncé à ce micro d'autres personnes, comme Meul, alors qu'il y avait le responsable des films du Nord, dans lequel Gilles travaille, et j'ai dit qu'il passait beaucoup de temps, parce que ces gens passent beaucoup de temps sur internet, mais c'est assez passionnant. Vraiment, allez-y, foudanim.org, foudanim.org. Un autre site très intéressant où vous pouvez voir plein de films en ligne, c'est www, donc toujours, Abdel, A-B-D-E-L, tiret du milieu, i2n.com, abdelin.com, où il y a plein de films en lien, quasiment toutes les semaines, il y a des nouvelles choses, un très bon site dont on reparlera. Et pour finir, une petite chose que j'ai trouvée, qui est absolument passionnante, et parce que tous les auditeurs sont des animateurs en puissance, un petit quelque chose qui vient d'apparaître sur Foudanim récemment, ça se passe en Italie, c'est un site de création d'animation en ligne, c'est sur flipbook.it, mais je vais vous dire l'adresse exacte, et en fait, vous pouvez réaliser vos petits films vous-même avec des petits line tests en fait. C'est génial. D'ailleurs, Franck en a déjà fait quelques-uns. Ouais, enfin, moi, c'est une catastrophe parce que je suis pas animateur. Donc, catastrophe intégrale, mais il y a des trucs géniaux. C'est-à-dire que les gens qui savent animer, même les gens comme moi qui savent pas du tout animer, mais on peut s'amuser et, dans le meilleur des cas, faire vraiment de petits chefs-d'œuvre avec, des outils d'animation online. C'est très bluffant. Et c'est un vrai plaisir. Même moi, j'en ai fait. C'est un vrai plaisir. Alors là, je vous laisse prendre un stylo que vous avez de toute façon. C'est www.fabrica.it/flipbook. Donc voilà, fabrica.it/flipbook. Toutes ces adresses seront sur le site de The Web Anime, qui évidemment a le site de Bulle de Rêve. Et The Web Anime, c'est, je le répète, zewebanim.com. Vous pouvez voir des films et surtout vous pouvez écouter Bulle de Rêve. Très bon site. Voilà, merci.